L'homme est rongé de mille mots qui proviennent tout droit d'un esprit torturé, ruche malade et difficile à comprendre. Le cheminement des pensées permettant de côtoyer l'apaisement ou son enfer personnel. Aujourd'hui, je vais essayer de dépeindre un peu tout cela, tous ces sentiments abstraits en vagues qui parsèment nos journées. Testons le monologue intérieur, de la légèreté à nos facettes les plus sombres. Que les plus souples adoptent la position du lotus et que les autres croisent simplement les jambes. Mettons nos mains l'une sur l'autre, tournées vers le ciel, activons une respiration régulière et préparons-nous ensemble à une petite exploration. Des tréfonds de mon âme, je ressens comme une appartenance à un lieu, un berceau qui alimente des flashs écarlates, ceux d'un monde rassurant. Comme propulsé au milieu de nuages, on contemple la foule du haut d'un pic doux et soyeux. Cette foule que l'on se surprend à mépriser, limée par l'absurdité de l'existence, alors que l'on essaie de se tenir bien au loin de tout dédain au quotidien. La balance, l'équilibre entre deux mondes, deux pensées, deux modes de vie, ou bien plus encore. Balance hideuse comme rassurante, selon le poids mis d'un côté ou de l'autre, qui fait basculer les uns vers la paix et les autres vers leur enfer personnel. Lutter est devenu impératif, du moins pour l'instant. Alors je réunis toutes mes forces pour m'échapper un peu. Le négatif est un poids, ses sentiments le divisent. Les prendre, les lancer sur l'autre plateau de la balance et rejoindre un ailleurs que l'on voit d'habitude en rêve. devient lucide et le temps d'un instant, quelques fractions de secondes, les couleurs se morfondent et forment une épaisse brume euphorisante d'un pourpre rosé. Vous en souvenez-vous ? Ces nuages sont les mêmes, bourrés de vibrations musicales et colorées. Au loin, on entend les percussions de bois fines qui réveillent un vent doux d'été, comme dans une mezzanine où on s'abrite du chaud pour respirer lors de matins à 36 degrés. À chaque coup de vent, les percussions se tapent les unes contre les autres, provoquant un son qui se balade alors dans le vent qui nous entoure. Les vibrations sonores font se dégager des coussins de nuages comme de petits halos de fumée aux mille teintes pastels. On respire un air pur dans tout ce confort immatériel, cet endroit rassurant venu d'ailleurs, où nos corps sont comme légers, guidés par la musique au loin. Voix douce et cristalline, nappe de son rassurante, et les notes d'un piano qui laisse chacune apparaître une traînée de poussière d'étoiles. Peu à peu, le monde alentour se détruit. Exit cet épais rideau de fumée rassurant et rosé. Nos pas redeviennent lourds, difficiles à contrôler. Comme bloqués dans un ascenseur infâme, fait d'un acier froid et moite, où l'on est ligoté par des liens invisibles et un vieux siège déchiré. L'ascenseur nous ramène tout droit vers une chambre qui devrait nous être familière, de par ses meubles, affaires et quelques posters qui rendent le tout moins fade. Au fur et à mesure que l'on rouvre les yeux, le nuage de fumée se dissipe et les mélopées chaudes de voix angélique se mêlent désormais à une saturation terrifiante. Un bruit assourdissant causé par trop d'humanité. Apaisé, peut-être un peu plus. Rassuré, pas vraiment. Tout s'enchaîne à une vitesse improbable. Tous les éléments qui constituent une journée devenue incontrôlable. Et cela avant de descendre vers son propre enfer. Au-delà des bienfaits de la méditation, connue de beaucoup, il est possible de visiter son propre esprit. L'intérieur de ses songes les plus inavoués, jusqu'aux frontières de l'âme, marquées par une grande porte cadenassée, derrière laquelle règnent nos démons intérieurs. On troque l'ailleurs rêvé contre les tableaux les plus infernaux de John Martin. La porte de l'enfer de Rodin, où chaque sculpture est comme une pensée détestable qui vient s'abattre sur nous. Le tout forme une vague frissonnante, impossible à suivre, car ici nos corps pèsent bien leur poids, sont même plus lourds, comme malades. Plus on descend les marches, plus tout nous paraît brûlant et sans pitié. Le rouge, le feu qui marche, ou le noir, l'abysse sans fond, l'horreur. Colère ardente, peur déraisonnée, idées noires infinies qui couronnent ce tout. Autour, dans ces gargouilles comme dans une orgie maléfique dont on serait le principal amusement. Fois par heure, la seconde chuchote. Souviens-toi, rapide, avec sa voix d'insecte. Maintenant, dis, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. I'm surrounded by a wall. An invisible wall made of memories I can't lose. The street I walk is sad. Comment sortir d'ici? Cauchemar absurde qui me hante. S'échapper, courir le long d'un couloir sombre et sans fin, sans lumière au bout. Alors, comme une main nous agrippe et nous hisse vers la surface petit à petit, et le monde d'en bas s'éloigne. Ainsi tiraillé entre deux espaces, il me faut trouver l'équilibre. Voyager, se ressourcer pour mettre un poids suffisant sur cette balance affreuse. Au revoir, quotidien, j'enfile mes chaussures bien trop usées et pars au loin visiter de nouvelles terres, l'inconnu. From which to recover, I've lost me. That is all. My smile is void of laughter. My kiss has no caress. I'm faithful to my lover. My bitter sweet. Flung myself in the fire.